êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Aujourd'hui à Assemblage requis. Jasmine Raymond-Dréville nous chante une comptine dans sa nouvelle chronique. Et on parle de l'âge UQTR avec Anne-Julie Durocheux. On a aussi la nouvelle chronique de David Ferron, de la langue dans ton oreille. Oh. Assemblage requis tout de suite. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François Olivier. On est en direct des studios de CIFOA à Trois-Rivières en ce mercredi 4 avril 2012. Oui. Mm-hmm. Hey, aujourd'hui, ça va nous rappeler des souvenirs, tu sais, dans le bon vieux temps, l'époque lointaine d'il y a un mois et demi, quand on avait des chroniqueurs aux demi-heures et qu'on remplissait ça sans jouer de musique ou presque. Ouais, exact. Ça nous rappelle des bons souvenirs. Donc aujourd'hui, à l'émission, à 7h30, on va voir la chronique Les Comptines de Jasmine. Elle nous présente ses choix musicaux du moment, ce qu'elle écoute dans son iPod. OK, fantastique. C'est à 7h30. À 8h, qu'est-ce qu'on a? On va recevoir Anne-Julie Durocher qui va nous parler de l'âge UQTR. Là, on va en savoir plus un peu sur les associations qui sont en grève. Là. Oui, il y a plein de choses qui se passent là-dedans. Presque 1500 étudiants sont en grève en ce moment. J'ai un paquet de questions. Ouais, ben c'est normal. Et on va revenir sûrement aussi sur les élections de l'âge UQTR. Ensuite, à 8h30, on aura la nouvelle chronique de David Ferron. Il appelle ça « Graines de pivot ». C'est comme des graines de pavot, mais c'est Bernard Pivot. On va lui demander la question tantôt, l'explication derrière tout ça. C'était à 8h30, c'était une chronique sur la chanson francophone, la musique francophone, la francophonie, des choses comme ça. OK. Donc c'est avec David Ferron tout à l'heure. Et puis, entre autres, autre que ça, en plus de ça, on va avoir la chronique Geek CNX. Et aussi, on va recevoir dans quelques minutes Marie-Pierre Laforge-Bourret pour revenir sur l'événement Cinética qui avait lieu hier soir. Pour moi, c'est couché tard, là. Non, je pense que oui. Ça a dû finir tard. Il a dû se lever de bonne heure. Ouais, on y en parlera tantôt. Pour l'instant, on écoute Robopop et un nouvel extrait de leur nouveau maxi, La Vengeance du Capitaine Tom Morrow. Et on connaît Robopop pour leur extrait Robopop Go dans le temps. Hein, c'était super bon. Donc voici Planétarium, 89 ans. Sans histoire, parce que la destination est la souffrance et le deuil. Le train est plus rapide que l'œil. Wagon fantôme prend la vitesse. J'entends au loin un cri de détresse. En quelques secondes, je vieillis d'1 million d'années. Si je me trompe. trompe de station, je crois que ma tête va exploser. L'obscurité, le froid de l'automne, à tomber les feuilles dans la moréthone. La nuit nous lance un ultimatum, viens me rejoindre au planétarium. Pour voir mourir les étoiles, pour voir mourir les étoiles, pour voir mourir les étoiles, pour voir mourir les étoiles. Après Robocop, Robopop. Pareil. C'est la pièce Planétarium sur leur maxi, La vengeance du capitaine Tom Morrow. Tom Sawyer. Non? Tom Sawyer, t'es drôle. Ça aurait pu. Vous pourrez réentendre cet extrait au Palmarès des Fous jeudi à 14h. Maintenant, on reçoit Marie-Pierre Laforge-Bourret. Bon matin! Comment ça va? Ça va bien. Un petit peu fatigué parce que, hier soir avait lieu le spectacle Cinética de la troupe Millennium de danse et de chant de l'UQTR. C'est vrai, tu nous en avais parlé hier. Oui, je vous en avais parlé hier parce que l'événement avait lieu hier et je voulais vous y convier. Et donc, je suis revenue de là à 11h30. Oh! Donc, ça fait moins de 8 heures que j'ai quitté l'école. Hey, hein? Tabarou. Ça, c'est poche. Hein? C'est correct, ça va. Ouais. C'est pour venir parler des choses le fun. Là, tu vas-tu te coucher tantôt? Ça reste à voir. C'est une bonne option. Donc, comme je l'ai dit, hier avait lieu le spectacle Cinética de la troupe Millennium et c'était un très beau moment. Ça avait lieu hier au 10-12 de l'UQTR à 8h30. Et je vous dis ça comme ça, ça allie chant, ça allie danse. Donc, les deux ensemble, parfois seulement l'un, parfois seulement l'autre. Et parfois les deux en même temps. Et ça fait le tour des thèmes qu'on peut retrouver au cinéma. Donc, les musiques de films partant des années folles, Grease, Hairspray, québécois, par exemple, Ma vie en cinémascope, un petit segment sur Disney, Des chœurs, les grands films, Harry Potter, Pirates des Caraïbes, Star Wars. Oh! Puis as-tu James Bond? Non. Ah! Oh. Je pensais, des fois. Tu serais allé, ça m'intéresse. Ben, ouais. J'ai arrêté avec toi. J'ai quelque chose pour vous deux tantôt. Oh, oh, oh, oh, oh. Y a aussi une section disco, Moulin Rouge, Burlesque, Broadway, un peu Western, Amour populaire, Titanic et plus encore. Titanic. Wow. My heart will go. Donc, je dirais ce spectacle-là qui a été dirigé, donc le directeur artistique, c'est Philippe Boulian, un étudiant à l'UQTR. Oui, c'est ça exactement. Oui, parce que toutes les personnes dans ce spectacle-là sont des étudiants à l'UQTR. Ça, c'est cool. Très cool. C'est une belle initiative. Oui. Et l'argent qui est fait avec ça, est-ce que c'est pour une cause, non? Non, mais je dirais, ils ont des partenaires, donc l'UQTR... Mon Dieu, j'ai oublié les partenaires, c'est jamais ce qu'on retient vraiment. C'est pas marqué, non? Non, ils sont pas inscrits. Oui, absolument. La Caisse de Trois-Rivières, la Caisse des Jardins, les productions nouvelles, le Bac en Chiro et l'Université du Québec à Trois-Rivières. Okay. Mais j'imagine que cet argent-là qu'ils ont ramassé hier avec les billets pour aller voir le spectacle. C'est 15 $ en pré-vente. Mm-hmm. J'imagine que ça va aller à la troupe pour l'année prochaine. Ouais, et surtout qu'il y a tellement de costumes, mm-hmm. dans le spectacle, là, des costumes super variés, tous très beaux. Puis ça en fait du monde sur scène. Oui. Quand il y a, par exemple, 8 chanteuses, 8 ou 9 chanteuses et qu'il y a 10 danseuses, ça en fait du monde qui sont habillés. Ça en fait du monde habillé, surtout que les thèmes sont tous très différents. Non, c'est très impressionnant à ce niveau-là. Est-ce que c'était leur deuxième édition, tu me disais, ou c'était... J'ai appris hier que c'était la troisième. Je pensais que c'était la deuxième. C'est bon. Mais c'est la troisième. Et comme je l'ai dit, il y en a pour tous les goûts. Donc, du papa à la maman, à l'étudiante, à l'étudiant. OK? ça touche à plusieurs styles. Donc, il y a des numéros de ballet. Moi, personnellement, c'est ce que... Il y en a des numéros de ballet que j'ai trouvé très, très beaux. Ouais. Parce que, moi, je suis vendue au ballet. Et il y avait des numéros de jazz. Beaucoup de numéros de jazz. Des numéros qui touchaient un peu au hip-hop. Et des numéros plus, on va dire, entertaining. Et aussi... je dirais, il y a des moments forts dans le spectacle, beaucoup de moments forts. Je dirais, ceux qui y vont, allez vous porter attention à la section Les Chœurs, donc sur le film Les Choristes, le film français Les Choristes, et sur Rockin' Nun. Ah. Moi, je dirais, c'est, okay. À ce moment-là, il n'y a pas de danseuse sur la scène, sauf que pour les chanteuses qui étaient là, c'est un moment très fort. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça très, très beau. Et pour les danseuses, vous porterez attention... Surtout les garçons, au numéro Broadway, burlesque, Moulin Rouge. Oh. Vous allez beaucoup aimer ça, il y a des très beaux costumes. Oui, ah ouais? Oui, costumes qui habillent pas beaucoup. Donc, tu sais, vous vous dites, oui, mais là, moi, je suis un gars, un numéro de danse, je vais y aller, c'est ma blonde, bon, okay, mettons, je vais y ouais. faire plaisir. Mm-hmm. Mais sérieusement, les gars aussi, vous allez aimer ça parce que, non, il y a des très beaux costumes et aussi parce que c'est un très bon spectacle en général. Et là, toi, tu l'as vu hier, mais t'arrêtes ouais. pas de dire, pour ceux qui vont aller le voir, c'est parce qu'il y a une autre représentation. Oui, il y a une autre représentation jeudi soir. Ce jeudi soir, le 5 avril, ouais. si je me trompe mm-hmm. pas. Ouais. Et c'est à 20h30 au 10-12 de l'UQTR. Si vous voulez des billets, il y en a en pré-vente. Vous pouvez écrire un courriel à philippe.bouliane@commercial.com. E-L-2-P, un L-E-N, c'est ça? Oh là là, attends. P-H-I-L-I-P-P-E point B-O-U-L-I-A-N-N-E. C'est ça. Et sinon, vous pouvez aller sur Facebook, taper La Troupe Millennium. Et à partir de là, vous pouvez sûrement leur écrire pour avoir des billets de réservés à la porte. Moi, ce que je ferais à la place, ce serait, j'attendrai à la fin de cette intervention aussi, parce qu'on va oui. vous donner des billets, hein? Ouais, c'est vrai. T'sais, soyez hein? pas trop rapide, il est quand même 7h. Achetez des billets à 7h le matin. Mais... Attendez de vous en faire donner. Hein? C'est ça. Et je dirais donc, c'est un très beau spectacle, mais il y a certaines inégalités. Oh. Parce qu'il y a tellement de numéros qu'il y en a de très bons qui ressortent beaucoup et il y en a qu'on oublie. Parce ouais. que bon, les ils danseuses Ils peuvent pas tous font... être number one. Non, ils peuvent hein? pas tous être number one. Et donc, il y en a certains qu'on oublie complètement parce que, bon, il y a beaucoup de numéros et certains ressortent et certains... sont là en background. Et je dirais aussi que c'est légèrement long. Donc, moi, ça dure combien de temps? Ça a commencé autour de 8h30 et okay. Je suis sortie de là à 11h15. Il y a une petite entraque. Ouais, oui, il y a une petite entraque. Mais okay. ça fait beaucoup, beaucoup de numéros. Le micro est parti. Tu as fait la même chose hier. Ça fait beaucoup, beaucoup de numéros. Et c'est, ouais, c'est ça, c'est un peu long. À la et fin, My je Heart Will Go ça, On. Il y en a sûrement que tu retiens comme celui-là que, parce que... C'est moins bon, ça. Mettons, My Heart Will Go On, mettons. Non, c'est un bon non. moment. C'est un bon moment. Mais je dirais, moi, mes moments préférés, Les Chœurs, je dirais Broadway et... Le burlesque, là, t'as bien aimé les costumes, je pense? Je pense que tout le monde a aimé les costumes. mais aussi, il y avait la section Disney, puis ça rappelait ah. la petite fille en moi. Ah. Non, ah. Le Roi Lion, quoi? Oui. Oh. Oui, et Dirty Dancing. Dirty oh. Dancing, là. Ouais. Très bon numéro. Mais non, mais c'est vrai. Ouais, ouais. Moi, j'aime beaucoup le film Dirty Dancing. Et les filles qui aiment le film Dirty Dancing vont aimer. Il y a des gars aussi Dirty qui aiment Dancing. Ça. Oui. Moi, j'aime ça. Bon, alors c'est vas-y carrément. Voir. Oui, oui. Donc, c'est quoi, jeudi 20h30? Jeudi 20h30 au 10-12, des billets en pré-vente. OK. Et si vous voulez et... gagner oh. une Ouf. Paire de billets Ouf. Pour le spectacle de ce jeudi... Là, c'est excitant. C'est là que ça se passe, oui. oui. Donc, vous pouvez appeler à C'est fou en studio au 819-376-5183. 81. François-Olivier fait signe que c'est pas le bon numéro. Il fait semblant. Mais... ouais. Il veut que donc... tu donnes le numéro d'assistance suicide. hey, hey. Je confirme, c'est 819-376-5183. Et si vous êtes près d'Internet, aimez la page Assemblage requis et on va poster pour gagner la paire de billets. Et la première personne qui appelle ou qui nous écrit... gagne une paire de billets d'une valeur de 30$. Quand même! Oui, oui. C'est très on bien. On n'est pas cheap. Et ça vaut la peine, c'est une très belle soirée. Merveilleux. 819-376-5183. On écoute Marie-Pierre Arthur. Voici Si tu savais. Juste pour toi, c'est dans la pierre. Eh oui. Bonne journée. Merci. Toute la journée, rien à faire d'autre qu'à s'aimer. Mon amour, endormi à moitié réveillé, de peur de trop nous manquer. Mon amour. Manipuler la réalité pour mieux continuer de rêver. Mon amour. Jamais se quitter, ça ne pouvait pas durer. Mon amour, pardonne-moi si tu savais. Pour toi, j'aurais voulu changer. J'ai menti, je peux pas tout abandonner. J'aurais mieux fait de m'écouter, mais j'ai eu peur de m'avouer la vérité. Mon amour, c'est plus la peine, plus la peine. J'ai préféré me défiler. Mon amour. J'ai menti, je peux pas tout abandonner. À quoi ressemblerait ma vie? Si parce que je t'aime, j'oubliais tout ce que je suis. Pour toi, j'aurais voulu changer. J'ai menti, je peux pas tout abandonner. Bien sûr, la pièce, si tu savais, Assemblage requis sur C'est Fou 89 FM, sur l'album Aux Alentours. On dit merci à Marie-Pierre Laforge-Bourret. Bien sûr. Elle est en train de s'en aller, puis c'est elle qui a fait. Chanson, ça a fait comme. Chaque monkey de ça. Ça a fait ça. Et ça a fait. Doit pas être ça, hein. Doit pas être ça. Doit pas être ça partout, hein. Ça aurait plus été genre ça, sûrement ici. Bam! En tout cas. Hey, bon. Colin, on a compris. Voici la collègue Geek Scénix. Scénix, Chronique du mercredi matin à Scénix, oui. Et donc, on résume les nouvelles depuis hier, mardi matin. Commençons par des avancées technologiques, comme on aime le faire. Le iBrain pourra-t-il lire dans les pensées de Stephen Hawking? L'été dernier, le physicien Stephen Hawking portait un bandeau noir, le iBrain, une invention de neurovigile qui pourrait permettre à Hawking, paralysé par la maladie de Lou Gehrig, de communiquer par la pensée grâce à un petit appareil ultra léger logé dans le bandeau. Philip Lowe, directeur exécutif de chez Neurovigil, explique que le iBrain peut ramasser des données en temps réel, tandis qu'une personne est au lit, regarde la télé ou fait à peu près n'importe quoi. Le bandeau capte des données électriques émises par le cerveau qui varient selon les activités et les pensées et aussi selon les pathologies qui accompagnent des dysfonctionnements cérébraux. Grâce à un algorithme que Lowe a créé en 2007, le iBrain est capable de lire ces données avec plus de précision malgré les différentes couches du cerveau et du crâne qui affaiblissent les données émises. L'idée est de voir si Steven peut utiliser sa pensée pour créer un schéma consistant qu'un ordinateur pourrait traduire par une lettre, un mot ou une commande. OK. Donc, il pourrait lire une lettre dans sa tête ou quelque chose comme ça, puis la retranscrire. Oui, ou avoir une idée, puis... Juste une idée, c'est ça. C'est cool. C'est très, très cool. Pour le moment, Stephen Hawking utilise un interrupteur situé sur sa joue comme principal moyen de communication. Sur sa joue? C'est vrai, dans ça fait pause de ça? Ouais. Ça lui prend de plus en plus de tellement. Ça lui prend de plus en plus de temps pour transmettre un seul message au fur et à mesure que sa maladie dégénère. Hawking affirme ne pas avoir vu de supériorité significative chez le iBrain par rapport à son instrument, mais souhaite quand même continuer à travailler avec Neurovigil pour faire avancer la chose. Ça pourrait s'améliorer avec le temps, évidemment. Donc, excellente nouvelle selon le New York Times. Maintenant, toujours en avancée technologique, une main robotique capable de délicatesse. Les robots sont reconnus pour ne pas faire dans la dentelle. Plusieurs films de science-fiction nous l'ont montré. Mais qu'en est-il dans la vraie vie, demande branchez-vous. Des chercheurs de l'université de Saarland, avec l'aide de collègues de Bologne et de Naples, ont mis au point une main robotique, à peine plus grande qu'une main humaine. Elle a récemment été présentée au Forschungszentrum Informatik de Karlsruhe. Elle est capable de faire des actions qu'on réalise chaque jour, mais qui demandent de la précision, comme verser du jus d'orange dans un verre. Grâce à sa... Ouais, ça va être déjà plus habile que moi, souvent, pour faire ça. Grâce à sa grande précision et sa délicatesse, cette invention peut servir de troisième main à un utilisateur ou encore aider les gens à mobilité réduite. Chris May, scientifique au Laboratory of Actuation Technology de l'Université de Saarland, a déclaré que son équipe voulait que leur main robotique ait plusieurs traits humains. Ces muscles artificiels devraient être capables de fournir des forces énormes avec des moyens simples et compacts. Selon le professeur de l'Université de Saarland, les robots pour pouvoir aider efficacement les humains doivent pouvoir être assez puissants pour, par exemple, sauver un homme pris dans une maison en feu, mais également assez délicates pour ne pas le blesser. Les chercheurs ont eu l'idée d'utiliser des chaînes qui sont tordues par de petits moteurs à haute vitesse. Comme un vrai doigt humain, chaque doigt du robot est séparé en trois segments qui peuvent être contrôlés de façon précise. Lors de la démonstration, les scientifiques ont montré que leur invention pouvait prendre un œuf de Pâques et un gros verre sans les briser. En plus d'être utilisé dans les foyers, cette main robotique pourrait avoir d'autres applications, par exemple pour l'intégrer dans certaines usines. Oh là, ça va faire chialer les gens, par contre, ça va peut-être voler des emplois, ça, non? Ouais. Plus. Mais bon, pour le reste, c'est une bonne idée. Mais toujours dans le domaine des robots, fabriquer son propre robot à partir de son ordinateur. Fascinant. Okay. Concevoir et fabriquer son propre robot à partir de son ordinateur personnel pour exécuter de simples tâches, c'est l'objectif d'un ambitieux projet dirigé par le MIT. Ce projet de 5 ans, financé par un don de 10 millions de dollars par la National Science Foundation, a pour objectif de mettre au point des technologies utilisables par des PC permettant à une personne sans formation informatique ou technique particulière de concevoir, personnaliser et imprimer en trois dimensions un robot en l'espace de quelques heures. Cette recherche imagine une nouvelle façon de penser la conception et la fabrication de robots. Elle pourrait avoir un impact majeur sur la société, explique la responsable de ce projet. Nous pensons que cette approche a le potentiel de transformer la production manufacturière et de démocratiser l'accès aux robots. Il faut actuellement des années pour concevoir un robot, le produire et le programmer, et ce processus est très coûteux, nécessitant des matériaux et équipements, ainsi que des logiciels très avancés et des systèmes d'apprentissage et de vision. Ce projet permet d'utiliser des matériaux aussi simples que des feuilles de papier. Expédition dans la science, baptisée Expédition dans la science informatique pour concevoir des machines programmables et pouvant être imprimées en trois dimensions. Le projet rassemble également des chercheurs de l'Université de Harvard. Eh bien. Les mots de passe des personnes âgées sont plus sécuritaires que les autres. Une étude menée par Joseph Bonneau à Cambridge révèle que 1% de tous les mots de passe peuvent être devinés en 10 essais. Ayant eu accès à 70 millions de mots de passe grâce à Yahoo, Bonneau a noté quelques différences intéressantes, notamment les aînés adoptent une attitude plus sécuritaire et rigoureuse avec leurs mots de passe comparé aux internautes plus jeunes. Moi, tu vois, j'aurais pensé le contraire. J'aurais pensé que les personnes âgées auraient comme mot de passe « chat ». Chat, ouais. Cette étude dévoile que l'insouciance concernant son propre mot de passe est répandue partout à travers le monde, y compris pour des mots de passe servant à accéder à des sites web ayant accès aux informations bancaires de leurs utilisateurs, oui. Cependant, quelques écarts, les Allemands et les Coréens ont tendance à choisir des mots de passe plus difficiles à décrypter, tandis que cette rigueur est moins importante en Indonésie. Des mesures incitatives pour amener les gens à être plus sécuritaires avec leurs mots de passe ne changent pas grand-chose. Même des gens qui se font pirater leurs mots de passe ne sont pas nécessairement plus rigoureux quant à leurs nouveaux mots de passe. Les résultats de cette étude-là seront dévoilés à une conférence sur la sécurité tenue par l'Institut des ingénieurs en électronique en Angleterre au mois de mai. Moi, ma théorie, c'est que les vieilles personnes qui utilisent, les personnes âgées, excuse-moi, qui utilisent Internet ou les ordinateurs sont aussi le public cible de Salut Bonjour avec leur chroniqueur informatique qui doit leur dire « Changez-moi ton passe ». C'est ma théorie là-dessus. Non, je pense que tu te trompes pas ben. Non. Le musée virtuel de Google s'enrichit, François. Lancé il y a un peu plus d'un an, la plateforme Google Art Project est justement restée longtemps au stade de projet. Le musée virtuel bénéficie aujourd'hui d'une grosse mise à jour de son catalogue. Le Google Art Project est comparable à Google Street View, mais pour les œuvres d'art, il permet en fait à son utilisateur de visualiser de nombreux tableaux ou sculptures sans sortir de chez soi. En ligne depuis à peu près un an, l'initiative plus que louable est malheureusement restée assez méconnue à cause de son catalogue assez pauvre, qui référençait environ un millier de pièces. Le projet jouit depuis maintenant, donc d'une belle mise à jour. Ce n'est pas moins de 30 000 œuvres réparties sur 151 musées à travers 40 pays qui sont maintenant disponibles. Parmi ça, des fiertés telles que Versailles ou le musée d'Orsay. Le Louvre est aux abonnés absents. Donc, on sera en train de discuter de ça. Et on note aussi qu'il est possible de créer un portfolio maison sur une tablette Android, une version iPad qui s'en vient plus tard. On précise que certaines pièces ont reçu un traitement spécial dit gigapixel, c'est-à-dire des photos en ultra haute définition qui permettent un niveau de détail inégalé. Superbe. Ouais. Maintenant, la loi sur le harcèlement en vigueur aux États-Unis dans l'État de l'Arizona vient d'être modifiée afin de s'étendre aux discussions sur Internet. Donc, le fait de troller. C'est-à-dire un interlocuteur sur Internet. Oui, troller. Ma mère disait ça, ça me faisait très rire. Ouais. Ah, c'est drôle, ça. C'est un vieux terme. Là. Ah, dans le temps? Ouais. Ça servait à quoi dans le temps, ça? Ben, ça veut dire cruiser. Ah. Troller, quand tu trolles quelqu'un, c'est parce que... Au meat market. Ouais. Ben, donc, c'est-à-dire de se moquer de quelqu'un, c'est, sur Internet, c'est ce que ça veut dire, troller. Il est illégal pour toute personne ayant l'intention de terrifier, intimider, menacer, harceler, ennuyer ou offenser une autre personne d'utiliser un appareil électronique, précise la loi récemment modifiée. Parmi les opposants à cette loi, évidemment. Il y a Mathieu Plante. Ben là, certains expliquent que le texte n'est pas assez clair sur le fait qu'il s'agisse de communication privée ou publique, auquel cas n'importe quel forum, mais aussi Facebook ou n'importe quel site de partage pourrait être concerné. J'avoue. Oui, j'avoue qu'il aurait pu préciser ça. Là. Ce serait comme essentiel. L'autre problème est que dans la mesure où elle tente de s'étendre à Internet, n'importe quel site accessible en Arizona peut être concerné et donc n'importe quel citoyen américain pourrait être poursuivi. Pour les défenseurs de la loi, il s'agit d'une étape nécessaire pour freiner le harcèlement sur Internet. Et c'est donc un projet de loi qui risque de mettre les États-Unis, qui sont très, très liberté d'expression, en émoi. C'est sûr. Eh bien. Maintenant, on peut louer une petite amie virtuelle pour 5$. OK. Une petite amie qu'on loue sur girlfriendhire.com. Pour 5$, il est donc possible de tromper son monde sur les réseaux sociaux avec une petite amie virtuelle. Oui. Un rapide tour sur la page d'accueil permet de se rendre compte que de nombreux services sont proposés. Vous envoyez des messages sur Facebook, donner des conseils en amour ou en drague, simuler une relation ou une rupture en public, même faire vos devoirs ou vous aider à rompre avec votre véritable partenaire. Plusieurs profils féminins créent une fiche avec photos et les liens vers les éventuels profils Facebook, Twitter, Google+. Chaque service est facturé 5$, réglable par PayPal. Et tourne autour du même thème, faire croire à vos amis que vous êtes le tombeur de ces dames. Ou rendre quelqu'un jaloux. Oh ouais. Tout fonctionne là-dedans. Mais c'est quoi, il crée une fiche, mais elle n'a pas d'amis? Ah ben ça, j'espère qu'elle a des amis au moins. Tant qu'à ça, écoute, fais-toi-en une, puis réponds aux tours. Non mais, ben pour vrai, ça te coûtera rien. Gratis. Ben. C'est vrai, t'as tout à fait raison. On va y aller avec un jeu Kinect qui se joue avec la langue, François. Au Japon, des chercheurs ont présenté une démo technique d'un jeu pour Kinect, étant contrôlé non pas avec les bras ou les jambes, mais avec la langue. Ce dispositif est réservé aux gens ayant des troubles de fonction orale ou encore à ceux qui ont de la difficulté à parler ou à avaler. Grâce à l'accessoire de Microsoft, les scientifiques n'ont pas à relier la machine à la langue de l'usager, ce qui en facilite l'utilisation. Le visage et les yeux sont détectés en utilisant Kinect. Quand les yeux sont reconnus, le système peut estimer la position du nez. Une fois que c'est fait, on peut obtenir les valeurs reliées au mouvement. Et il peut ainsi détecter la région de la bouche et ultimement trouver la langue du joueur. C'est quand même pas mal de choses en même temps. Plusieurs carrés, ça là. Plusieurs mouvements de la langue sont détectés. Les mouvements de base concernent les déplacements vers la gauche et la droite. Les scientifiques ont d'ailleurs mis au point un jeu de tir qui se contrôle de cette façon-là. Pour tirer des projectiles, l'usager n'a qu'à tirer la langue. Je sais pas. On dirait, c'est-tu moi ou c'est pas une bonne idée? Non, je sais pas. Il me semble que t'es handicapé, tu vas pouvoir jouer à des jeux. Non. Ça, j'avoue, c'est correct. Mais un jeu fait juste pour ça, il faudrait adapter les jeux qui sont présentement sur le marché à cette fonction-là. Je sais pas. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais pour les handicapés, comme tu dis, c'est fantastique. T'as pas le choix. Ouais. Faut que tu divertisses dans la vie. Ta vie est déjà plus compliquée que la moyenne. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Le dispositif n'est pas encore parfait. La manière de détecter les parties du visage est très peu précise et le système n'est pas très robuste, mais l'équipe va tenter d'améliorer la création. Vous pouvez aller voir la vidéo qui montre comment la détection se fait. Comme je disais tantôt, les carrés qui détectent où est ta langue sur assemblagerequis.com, c'est assez intéressant. On parle d'Apple qui travaillerait peut-être sur une manette destinée à ses iPhones. C'est le site Anantech qui a lancé la rumeur en faisant la critique du nouvel iPad. Ils disent « Tel accessoire verra-t-il le jour bientôt? » On ne sait pas encore, mais ils sont persuadés que l'ajout d'une manette en option permettrait à la firme de Cupertino d'augmenter ses ventes. C'est vrai, par contre, parce que les jeux vidéo sur iPhone, on l'a dit souvent, c'est pas très, très winner. De la misère à jouer. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Ouais. Je ne joue pas avec mon iPhone. La Wii U qui serait pas aussi puissante que prévu, c'est le studio Vigil Games qui a travaillé sur Darksiders 2 et ils ont eu l'occasion de mettre les mains sur la nouvelle Wii U, c'est la prochaine console Nintendo, la console de salon. Ils annonçaient que la nouvelle console de Nintendo bénéficierait de performances globalement identiques à celles des consoles HD habituelles. Et c'est pas l'avis d'un autre développeur, par contre, dont Games Industry relate les propos de façon anonyme, sans doute parce qu'il se montre un petit peu plus assassin envers la Wii U. Donc pour l'instant, on dirait que la Wii U serait moins forte pas mal que la Xbox 360, selon cette compagnie-là. Ouais. Ça a l'air de changer pas mal à tous les jours. Et on parle d'une date de sortie peut-être. C'est selon Wii U Daily. Ça sortirait le 25 novembre 2012 au Japon et une semaine plus tôt aux États-Unis, soit le 18 novembre. Date qui serait pas surprenante vu que Nintendo avait annoncé un lancement à l'automne et que la fenêtre du mois de novembre est particulièrement propice, évidemment étant avant Noël. Ouais. Et puis Sony qui travaillerait sur un genre de Super Smash Brothers avec les vedettes de Sony, tu sais, le jeu vidéo de combat, de bataille sur la Wii et sur d'autres consoles GameCube, de bataille entre, mettons, les personnages de Pokémon, Mario, ah, tu sais, là. Donc un genre de jeu de combat, là. Ouais. Un genre de Mortal Kombat, ouais. Là, mais avec des jeux avec des personnages de Mario. Ça s'appelle Smash Brothers. Sony travaillerait sur le même genre de principe qui s'appellerait Title Fight. Ce serait développé par Superbot Entertainment et on en parlerait peut-être au prochain E3. Donc, il y aurait plein de vedettes de la compagnie Sony qui se battraient dans ce jeu vidéo-là. Mais bon. Eh bien. On va se quitter avec une pièce de chiptune. C'est Smiletron avec Apollo. Et puis après ça, ben, on va avoir plein d'autres choses à vous proposer. Ça va être la fun. Hein? Moi, je pense que ça s'en vient. Qu'est-ce qui va être la fun, le chiptune? Le chiptune. Tu vas aimer ça. Tu vas triper. Elle est très, très, très, très, très mollo. Je trippe déjà. Et vraiment mollo, même que c'est, ça va fitter tout de même à matin. C'est relax, quoi. Smiletron, Apollo. C'est Nix. Smile Child avec Apollo. Au retour plus tard dans l'assemblage hockey, on va voir la chronique Les consignes de Jasmine avec Jasmine Raymond Drainville. On va nous faire les petites consignes. La la la la, dormez-vous, dormez-vous. De quoi? Pas tant que ça, vous ne dormirez pas vraiment. Ben, je vous dirais si vous écoutez ça. Hey, réveil, bonhomme. On va de pause, on revient. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. Avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante, il est 7h38 minutes du matin. Le matin. Jasmine, faut le dire, elle abandonne complètement le français, elle va faire sa chronique en espagnol. Oublie ça. Parce qu'elle a abandonné sa chronique linguistique sur le français. Mucho musique, là. Hein? Mucho musica. Et caliente esta loca. Hein? Bon. Donc, c'est ça. À la place de faire une chronique sur la langue française, comme elle le faisait jusqu'à très récemment, elle transplante sa chronique qu'elle faisait au Palmarès C'est fou. C'est vrai? La transplantation. T'es un membre, tu sais? Un membre? Donc, elle va nous faire ses comptines de Jasmine et François. Il va falloir que tu apprennes avec nous. Je ne sais pas si tu as déjà fait ça, à claquer les doigts, OK? On va se pratiquer. Ah, je suis capable. T'es capable? OK, on y va. Jouer du piano aussi. Les comptines de Jasmine. T'as envie de jouer du piano? Oui. Ça fait mal à tes petits doigts? Trois notes, là, c'est comme redondant un peu. Es-tu drôle? Ah, oui. Déjà en train de chialer sur sa chanson, comme tout le monde. Mais c'est la mode, hein, au Palmarès, c'est fou, tout le monde chiale contre leurs intros. Là, puis, hein, j'aime mieux cette chanson-là, mais je préférais mon intro de ma chronique de français. On la réentendra peut-être à la fin. Ouais. OK. D'accord. Donc, les comptines de Jasmine, tu nous présentes tes choix musicaux, ce qui joue dans ton iPod ou appareil. iPhone, n'ayant plus d'iPod depuis le mois d'août. Triste. Il est mort. Très triste. Ça va faire un an bientôt, on va pouvoir célébrer l'anniversaire de la mort de ton iPod. Ouais. iPod. C'est ça. J'ai fait une transplantation, puis ça n'a pas poussé, fait que j'en ai pas de nouveau. C'est plat comme ça. Ben oui. T'as essayé au moins. Ouais, j'ai essayé. Donc, cette semaine, je vous présente le projet parallèle de Mister Valère. C'est 100% électro et c'est Qualité Montel. Oh. C'est paru dans le fond lundi. C'est un album qui est enregistré en 25 jours. Ce qui est vraiment pas beaucoup. Dans un motel, sûrement. Non, en fait, ben, ça a été... je lisais ça hier en préparant ma chronique. Ça a été fait avec... En fait, il y a plein de collaborateurs, tous plus hétéroclites les uns que les autres. Ça va de collaborateurs avec qui il avait déjà fait affaire, notamment Fanny Bloom, James DiSalvio de Brand Van 3000. Il y a Mitsu, Yann Perrault. Ah, Mitsu. Il n'y a pas Abeille Gélina là-dedans, avec you, là. Non, pas sa sœur, juste Mitsu. Steph Shock, en tout cas plein de choses qui peuvent sembler très bizarres, mais que ça sonne vraiment très de qualité. Bien, très, très, très bien, honnêtement. Qu'est-ce que j'allais vous dire avant ça? Bonne question. Il y avait certains collaborateurs même avec qui c'était comme même pas vu, puis que ça avait juste été fait à distance. Ils sont envoyés les fichiers par Internet. Oui. Puis autre truc, avant de faire jouer des chansons, qui va t'intéresser, Mathieu. Hein? Je sais pas si tu m'as dit qu'il avait fait la une du Voir. Mentionné dans l'article, je ne l'ai pas lu. Mais il y a des chansons qui sont... Ben, toutes les chansons de l'album sont téléchargeables gratuitement du 2 au 7 avril sur des bornes fontaines du quartier des spectacles de Montréal. C'est donc bien cool. Mais je ne comprends pas comment ça peut fonctionner. En fait, je crois que... C'est un code QR, quelque chose comme ça. Oui, c'est comme une application, je pense, qu'il faut télécharger sur les téléphones intelligents. Puis quand tu arrives à la bonne borne... Tu scannes le code. Tu peux scanner, oui, c'est ça. C'est génial, ça. J'ai l'air quand même familier avec ça, mais... Un peu, mais... J'étais méga impressionné en disant ça. C'est super. C'est cool quand même. Oui. Donc voilà. Donc allons-y sans plus tarder avec une première pièce qui s'intitule le Kissou Kissou. Et c'est avec, c'est tous des noms que j'avais jamais entendus, là, ben certains, Pin Ten We Fall. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est vraiment excellent. C'est, je l'ai dans la tête depuis lundi, là, sans arrêt. On pourrait dire que c'est une bonne chanson. C'est une très bonne chanson. Ouais. Elle est très bonne. C'est ça. Give C'était donc Kissou Kissou du projet Qualité Motel de Mister Valère. On va en entendre deux autres, soit Motel Engineer NNE. Non, je parle en anglais, moi. Donc, je vais recommencer. On va entendre Motel Engineer et Piscine Pool, qui est à une collaboration avec So Cold. Donc, voilà. C'est ça? Oui. D'accord. La fin fait des gestes. Ça fait un geste de 9. De 9. Chanson 9? Oui, voilà. We'll be right back. êtes assez fou pour l'écouter. 89 ans. Piss in the pool. Pool party at the Quality Motel with SoCo. Better love us quick before we totally go bald. Your pool is kitty, yo. I'm Olympic up in the poolside video. Flap flippers, put them back where you found them. Competition's wearing water wings, I'm doing laps around them. This groove makes life hard for booty. No lifeguard on duty. Slap you, hung like a mosquito. Labadi libido, falling out of my speedo. Marco Polo, guitar solo. I say, we just dive in slow-mo. Shlomo, Abdul, Mahatma, and Coco. Don't let the chlorine in your eyes. Harry Como. Seems like bad advice, a pissing pool. I sure never learned about this in school. Front crawling, beach balling, careful don't fall in. Looking fit in your bikini, Miss Marshmallow. Don't dive in, cause the conversation's shallow. Pissing in the pool, yes, that makes me bilingual. On va mettre la verse en anglais if we put up the single. Ooh la la la, pissini. Hit the lights, yo, and let's dip the skinny. N-E-Y-S, never drink yellow water. Uh-oh, the water just got hotter. I hit a warm patch and now I'm stroking. Butterfly styles, these wings are soaking. No fun, this woman teacher's so mean. Eyes red, don't think it's from the chlorine. Above and beyond the call of booty. Let's rock, cause the lifeguard's still off duty. Donc voilà, nous avons entendu trois pièces de Qualité Motel. Je le répète, c'est le projet 100% électro des gars de Mister Valère. Donc les cinq mêmes gars qui ont troqué leurs instruments, leur cuivre et saxophone et tout pour encore plus de synthétiseurs. Un peu comme tu as troqué ta chronique linguistique pour ta chronique Les Comptines de Jasmine. Voilà, parce que j'avais épuisé tous les sujets. C'est concept quand même, hein? C'est ça. C'est ça. Mais t'as bien fait ça! Merci! Très bon! Qualité Motel! Waouh! Hein? Pour acheter ça, j'arrête pas d'écouter ça depuis lundi, je vous dis. Ça va être intense de même. Si on l'a reçu, on l'a avoir super marrant, c'est sûr. Ça va, on l'a reçu, il me semble. On l'a reçu, bon, ben, il me semble. Superbe, ça. Comptine de Jasmine toutes les semaines, ben oui, pour le reste de la session ici à Assemblage Requis. Toutes les semaines, il en reste à peu près trois. Là. C'est ça, mais c'est quand ça. Même ça. Merci, Jasmine. Fait plaisir! Merci beaucoup. Nous, on retourne en musique. On va l'entendre des gens de chez Yukon Blonde. C'est oui. Comme des gens du Yukon, ça, oui. Sûrement, j'imagine. Je trouve que c'est bon, ça. Je pense pas qu'ils viennent du Yukon, si je me rappelle bien. Alors, on va l'entendre l'extrait qui est sur le palmarès. Et ça, ça s'adonne à être. Je l'avais trouvé tantôt, mais ça fait quand même une demi-heure. On va le retrouver, moi. Stairway! Ah. Hey, c'est excellent, ça. Stairway, 89.1 FM, c'est Assemblage Requis. I pas devant. Je te vois et je m'éteins de tout mon long. C'est sûrement les vapeurs qui me montent à la tête, qui me font dire que ta splendeur me convie à la plus belle des fêtes. Parfait, je suis plein de défauts, mais j'ai quand même plusieurs attraits qui penchent en ma faveur. Je suis pas là pour te mener en bateau, te compter que j'ai le plus brave de tous les matelots. Roméo et Juliette, c'est ben beau, mais oubliez pas qu'à fin ils font pas juste des beaux dodos. Je suis pas dans un conte de fées, mon grand. C'est toi qui me parles d'amour, alors je suis là à me demander si t'es pas pour moi. Le centre de la chose voudrait des réponses sans poser trop de questions. J'ai posé pas pour toi. Une nouvelle entrée du palmarès francophone. Moi, j'adore ça. David Giguère avec la chose et la voix qu'on entendait, la voix de fille, c'est celle de Camille Poliquin, que je connaissais pas, mais que maintenant. Camille! Elle connaît. Oui. Cam. Bon. Donc, c'est la fin de la première heure. On se retrouve tantôt avec Anne-Julie Durocher. Anne-Julie, de quoi qu'on va parler tantôt, donc? On va parler des activités qui s'en viennent au cours du mois d'avril pour finir la session. Oh, hein? Ben oui. Super, ça? Ben oui. C'est vague, hein? C'est tout ce qu'il y a de plus précis, hein? Non, mais je vous garde des surprises. Je vois ça. C'est ça. Mais il y a plein de belles choses qui s'en viennent. Fait que restez à l'écoute. Vous manquez de pep à matin. On manque de pep, ben ouais, mais là. C'est ça. Fait que vous manquez de surprise. Ben non. Non, justement, je vous en fais des surprises. C'est moi qui étais plate. Okay. C'est elle qui va mettre le pep. Anne-Julie, tu vas mettre du pep? Oui. C'est pas ça. C'est pas un blâme contre Jasmine, mais tu sais. Elle a pas parlé bien. Comment tu vas être de bonne humeur, tu sais? C'est quand t'as peur. Je mange une pomme. Comment tu manges une pomme déjà? Ben ouais. Non, c'est mon bruit de taupe. Ah, c'est vrai. C'est clair, c'est une taupe et une pomme, hein. Ouais. En tout cas. Pour l'instant, c'est l'Info Campus. Ah oui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. C'est la deuxième heure d'Assemblage requis en ce mercredi 4 avril 2012. Lui, c'est François-Louis Marchand. Lui, c'est Mathieu Plante. Oui, Jasmine Raymond-Réville est toujours avec nous. Oui. Oui, et on va accueillir Anne-Julie Durocher très bientôt. Je suis là. Elle est là, pleine de surprises. Elle a encore une petite intro divertissante avec une chanson faite par moi, parce que je veux dire, hey, tantôt on n'a même pas écouté, j'avais dit qu'on ferait jouer pour une dernière fois l'intro de Jasmine Raymond-Drainville. Ah oh oui! Ouais, oh, regarde. On pleure, là. Chronique linguistique à Jasmine. Chronique linguistique à Jasmine. Jasmine, elle parle de langue, mais avec sa langue dans sa bouche. Bon! Puis elle se rappelait pas qu'elle avait un beau petit fond en arrière, puis qu'il était tout enfantin, puis le fun. Oui, c'est full beau. On va l'utiliser ailleurs. C'est un fond de super-héros, ça? Mais le mien, il est plus que ta jeunesse super-héros. Super-héros, ouais. Moi, je trouve que ta jeunesse super-héros. Pas là, mais plus loin, là. Plus loin? Dedans, mettons, ici? Non. Une autre place, je suis. Bon, partons au magasinage. Ça, oui, ça commence. Ah, ouais, écoute, je m'en vais sauver le monde, là. C'est vrai, hein? Ouais, ouais. Bon, ben, on se croirait dans une chronique de Jasmine, mais ce n'est pas le cas. À la place, on va faire une autre petite chanson. On va jouer encore juste les chaudes dans la gorge des fois. Les AGEQTRE, AGEQTRE, AGEQTA. Peu importe ton âge, tu t'en vas à l'AGEQTA parce que l'AGEQTA, ça n'a pas d'âge. Yo, pro, pro. Ça, c'est un classique. C'est là pour rester pendant au moins 3 semaines encore. Au moins 3 semaines encore. Après ça, on verra. Donc, Angélie Durocher de l'AGEQTR, bon matin et bienvenue. Mais bon matin à vous. Comment ça va? Ça va bien. Ça fait longtemps qu'on s'est vu dans ta chronique, là. Hein? J'ai écouté dans la semaine passée. Non, t'as avant ça, ça faisait un bout, c'est vrai. C'est Jasmine que ça faisait longtemps. Ouais. Ben, pas tant longtemps. T'étais là la semaine dernière. Ben, j'étais là jeudi passé, sinon, moi. Ouais, c'est vrai. Bon, cool. Laissez faire. Mais vous ennuyez tellement de nous, hein. Ben, c'est ça, le temps est long. Long. Ouais. Quand vous ne voyez pas. Comme dirait Vincent Vallière, ça. Le temps est long. Ouais. Hey, non, ça manque ça. De pire. Non, mais dis ça pour vrai, là, j'allais chanter la chanson, mais t'avais comme tout dit, là, il n'y avait plus rien. Il n'y a pas vraiment d'autres mots dans les chansons de Vincent Vallière, c'est pas mal. Le temps est long. C'est ça. Long. Bon, hein? Anne-Julie, remets-nous dans du pep, finalement. Mais oui, c'est quoi tes surprises? Je vais vous parler des activités qui s'en viennent. Hey, ouais. Là, je capote. Vous y attendiez. On commence avec ça? On commence avec ça. Parfait. On va commencer avec demain. Demain, qu'est-ce qu'il y a? Demain, on est quoi? Jeudi, Cinética? Des indices. Ben oui, là, il y a Cinética, mais ouais. Ça, c'est pas la GEQ l'organique. Mais oui, il y a ça. T'aurais pu en parler quand même. J'aurais pu en parler. Ça aurait pu être une surprise. Ben, il y a comme un... C'est Cinética, c'est une revue musicale qui a le film. 10-12. Mm-hmm. À 20h30. Oui. Ils ont des billets, toujours. Là. C'est ça. Puis ils font du chant puis de la danse. Je pense 18 danseurs, 9 chanteurs, quelque chose comme ça. Oh, précise quand même. Ben oui. Hein? Fait que si vous voulez y aller... Parfait, ça c'est demain. C'est ça. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre demain? Qu'est-ce qu'il y a d'autre demain? Ouais. On va manger plein de sucre. Ah, c'est demain que ça se passe. Ah, oui, demain c'est la cabane à sucre. Ah, voilà le pep. Tu vois, là, il arrive le pep. Ouais. Fait qu'on va avoir une cabane à sucre à côté de la chasse-galerie demain de 10h à 14h. Les bâtons de tir vont être au coût de 50 sous. Okay. Fait que venez vous sucrer le bec, ça risque d'être très intéressant, très le fun. C'est sûr. Puis c'est tout le temps le fun après avoir dîné ou pendant une pause ou... N'importe quel an en journée. Tout le temps, pendant quoi? On a toujours 50 sous qui traînent. Oui. Toujours. Toujours. Sinon, demandez à votre ami qui vous l'offre. Achetez un ami si jamais vous n'avez pas avec votre 50 cents, mais là, ça va aller mal parce que c'est pas 50. Cas, c'est ça. Ouais. Fait que venez demain, 10h à 14h. Sinon, le 11 avril, le 10-12 va être ouvert. Ouh, ça fait tellement longtemps. OK, parce que les mercredis soirs, il n'y a plus de 10-12 ça, tu vois. Je me tiens tellement là tout le temps, je devrais savoir ça. Donc, à soir, c'est pas ouvert. Là. À soir, c'est pas ouvert. Okay. Non. Mais la semaine prochaine, c'est ouvert. Pour une occasion spéciale ou juste un mercredi normal? Bien, ça risque d'être un mercredi plus normal parce qu'étant donné la grève, le party qui était prévu, je n'ai pas pu avoir le temps de l'organiser, bref. Okay. Parce que là, je manque de temps. Mm-hmm. Est-ce que le monde chiale quand même parce qu'il n'est pas ouvert ou... Ben, non? C'est sûr qu'il y a du monde qui sont déçus, aimait ça, là, mais tu sais, quand la chasse-galerie non plus n'est pas complètement pleine, je veux dire, ils ont quand même de l'espace. Puis je pense c'est comme pas la même ambiance. C'est pas dance floor, mais ben la chasse. Ça. Ben, de plus en plus, c'est dance floor, la chasse-galerie, ouais. Le 10-12. Yeah. Okay. Fait que. Si tout le monde trouve son compte. Là, je pense que le monde qui voulait aller danser le mercredi, ben, ils vont danser à la chasse-galerie. Oh, ils peuvent. Danser les bains. Il y a un stage, tu sais. Ouais, c'est vrai. Il y a un stage. Ben, oui, c'est ça. Tu peux danser là. C'est ça. Fait que, bref. Mais là. Le prochain, soyez là, beaucoup de monde. Hey. Quel 10-12 va être ouvert. Non. C'est gratuit pour les étudiants. Je t'ai fait, là, on met la barre haute. Là. S'il n'a pas été ouvert par un bout, il faut qu'il y ait du monde en tabarnouche. C'est le mercredi, le prochain. Vous aimez ça, le 10-12? Ah, allez-y. On raffole. C'est ça. Je triple. Hein. Le axe, là, ça sent le axe à... Ouais. Wow. Axe et la bière, maintenant. Ouais, c'est ça. Un bon mélange. Miam. C'est ça. Puis par la suite, ben la prochaine activité, ça va être le party de fin d'année, le 1er mai. Et j'ai pas encore de scoop à vous donner, mais je vais en avoir un la semaine prochaine. Un groupe à mentionner peut-être bientôt, là? Oui. C'est ça? Oui. OK. Sûrement que la semaine prochaine, je vais pouvoir vous dire ça va être quel artiste qui va être là. Okay. On parle d'un artiste ou un groupe? Ah, vous... Moi, j'ai entendu des trucs, là, mais je sais pas à quel point ça peut être. Je vais vous donner un pré-scoop. Okay. Est-ce que c'est drôle? Non. Non? OK, bon. Non. C'est pas mon scoop était vraiment pas bon. Ton scoop, il était pas bon. Mais ça risque d'être un groupe. OK. OK, donc ça élimine plein de monde, là. Ça élimine plein de monde. Ça en rajoute plein, là. Oui, c'est ça. C'est ça. OK, c'est mais, tout. Il y a des gars dedans, ce gars. Oui. Wow. Puis il y a même des percussions dedans. Wow. Ah, pensez-y. Incroyable. Puis vous me reviendrez avec un nom. C'est populaire, là? Ben, vous verrez. OK. Est-ce que ça a déjà joué assez fou? Est-ce qu'il porte une moustache? Là, je sais pas pour la moustache. On je est rendu sais... dans Devine. C'est quoi le jeu? Devine qui chie? Ah oui, ah, c'est le fun. Qui est-ce, non? Qui est-ce? Bon, mais en tout cas, bref, pensez-y. Puis la semaine prochaine, je vais vous annoncer. Que je pense à ça toute la semaine. Ben oui, dans le but, fais juste ça. Exact. Juste ça. J'écoute des groupes avec des percussions. Sinon, ben, va sur mon, mes courriels, puis tu vas le trouver. Oui, hack son courriel. Facile. C'est ça. Ben ouais. C'est ça. T'as deux choix. Plus dormir ou hacker mon courriel. C'est toi qui hackais les serveurs de QTR pendant les élections. Écoute, je suis tellement un crack de l'informatique. Ouais. Fait que c'est toi. Ah, c'est ça, c'est moi. C'est dit. Je suis démasqué. C'est fait. Bon. Donc, prochain sujet. Ben, c'est ça. Ah ouais, on veut. Ben, c'est pas une surprise, ça. Mais t'as dit que tu nous donnais des surprises. Ok, je pensais que vous gossiez encore pour avoir le nom de l'artiste. Non, non, mais voyons, on est crochés. Elle a dit qu'il y aurait une surprise cette semaine, non, et là, ça. On attend Amy Ledbonne. Fait que, en tout cas. Ben, à date. En fait, c'était la cabane à sucre, son punch, j'ai raté, là. Non, mais sinon, venez demain. Ah, ok. Venez demain. Attendez. Mais. Il va y avoir des surprises aussi sur place. Oh boy, OK. Hein? Oh oui, hey, en plus, j'ai oublié de dire quelque chose demain. Vas-y. Hein? Voici ma surprise. Oh. Hein? Il va y avoir une compétition de bûcherons à compter de 10 heures. Hey! Ben oui. Avec des haches? Ben avec des... Non, c'est des haches, je pense. Godendor, c'est ça, quelque chose de même? Affaire comme ça. C'est quoi un godendor? C'est pas le truc à deux personnes, là. Il y a ok, ouais, ça se peut. En tout cas, je sais pas. Ben, c'est peut-être pas ça non plus. Parce que c'est des gars qui scient des bûches? Comme à RDS2. Là. Mais bref, je sais pas qu'est-ce que. Mais c'est quoi le concours? C'est ben ça c'est les associations. Non, je sais ça. Okay. C'est les associations. Ouais. Ça prend un gars et une fille en équipe de deux à 10h le matin. Si une bûche. Ben ils vont faire des activités, là, pour vrai, je sais pas quel type d'activité qu'ils vont faire, mais ça va falloir qu'ils mettent leurs muscles à l'épreuve. Faut faire attention aussi, la prudence va être de mise. Mm-hmm. Bien entendu. C'est dangereux. Bien entendu. Donc, Jasmine, non, c'est pas ça qu'on a. Mais je trouvais que c'est un beau mot, quand même, godendor. Mais... C'est pas le bon mot de bord. Ben, c'est pas grave. Ben, en tout cas, bref, parce que Jasmine nous a trouvé une photo de qu'est-ce qui était un godendor et c'est pas de quoi je parlais, mais le mot, il est le fun. Ça va couper, en tout cas. En tout cas. Bon. Fait que c'est super, ça. Super, hein? Ben ouais. Ouais, ouais. C'est merveilleux avec ma chance, là. C'est ça. Ouais. Bon, toutes les battes. Mais là, puis, en fait, il y a des associations qui sont en grève, là. Ben oui, c'était mon prochain autres... point. Bon, ben... Hein? Ils sont plein, un petit rapide. Ben oui, je te laisse aller. Mais est-ce qu'eux autres peuvent participer quand même? Ben oui. Ouais? Ah oui. Puis traverser la ligne d'hôpital. Ah, je me suis dit, vu qu'ils sont non, en grève, de ligne non, non, ils font rien. C'est juste qu'ils sont en grève. Mais non, mais ils font des affaires. Ils font on plein d'actions. Savoir. Ben, tu veux le savoir. Ils font des compétitions. Ben, le bûcheron. C'est ça qu'ils font? Ouais, non. Non, je pense que... Moi, que ça soit une compétition de bûcherons contre Jean Charest, je pense pas qu'il fasse ça. C'est de qui? Mais bref, non, ils font plein d'actions. Hier, il y avait le monde des femmes de sages-femmes. Oui, ils en font à tous les jours, eux. Oui, depuis, eux sont vraiment. Ben, on en a parlé la semaine dernière, ils sont vraiment super actifs. Très bon. Et, ouais, mm-hmm. Ils sont cool. Puis avec du monde de psycho, je crois qu'ils étaient sur le pont qui trend au centre-ville. En fait, c'est le viaduc, parce qu'il passe au-dessus de l'autoroute. Qui trend au centre-ville. Le pont Le Jeune? Oui, viaduc, Le Jeune. Ouais. Ouais, c'est ça, il était là pour manifester. Il y a plein de petites actions comme ça. Quoi, ils ont bloqué ça, non? Non, non, ils l'ont pas bloqué. Ils ont juste fait comme des lignes de piquetage. Okay. Mais comme bord. De chaque bord, fait que le monde qui passait sur des forges les voyait. Et aussi sur l'autoroute. Sur l'autoroute. Ah, c'est fait cool. Que, c'est ça, ils font plein d'actions comme ça. Ben, tous les programmes en fait en grève font des actions. Que ce soit en fin de semaine, il y a quelque chose au Parc Champlain, si je me trompe pas, organisé par Philosophie. Plein en fait de petites actions comme ça. Hier, il y avait un nom français, là, bouge pas, là, dans la cafétéria à 11h40. Il y avait du monde dans la cafétéria, ils ont arrêté de bouger. Ça, c'est un freeze, comment on appelle ça? Freeze-in, ouais. On a donné un nom en français. Mm-hmm. Bouge pas. Mais c'était le monde en or. Ça répète un danse, danse, danse, danse, danse plus. coup-ci. Ça aurait pu. Je pense que ça s'est bien passé, Jasmine, hein, dans la cafétéria hier, tout était là. Non. Ah, bon, ben. Non, pour une fois, je n'étais pas là hier. Ah, bon, elle n'était pas là, mais je pense que ça s'est bien passé pour vrai. Je pense mais là, c'est ça. Chaque association fait comme ses moyens de pression, si on peut appeler ça comme ça. Indépendant de chacun d'un bord, ou tu sais, il y a une certaine cohésion entre. Ben, ils se parlent, ils nous parlent aussi à la GE. Comme là, ce matin, il y a une rencontre à 8h qui a dû commencer. Puis, ils se parlent entre eux, savoir quelles actions, qu'ils veulent faire ensemble. Okay. D'autres, tu sais, le monde en or, par exemple, s'ils veulent faire une grosse sculpture, je sais pas, ils vont peut-être plus le faire entre eux, mais peut-être pour le dévoilement de tout ça, ils vont inviter les autres associations. Ouais. Ils vont juste se tenir au courant, puis pour vrai, il y a de très bonne communication entre les associations, avec nous aussi. Fait que pour l'instant, tout se passe bien. Puis là, il y a de plus en plus d'associations qui tombent en grève. Ouais, c'est ça, le point 9. Là, donc, je peux les énumérer. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu pourras compter sur tes doigts, Mathieu. D'accord. Donc, études québécoises. Sage-femme, philosophie, psychologie, cycle supérieur de psychologie, psychoéducation, géographie, art et histoire. Il y en a 9. Il y en a 9. Mais ils ont toutes des conditions différentes par rapport à la reconduction de cette grève-là. Oui. Donc, il y en a que c'est reconductible à toutes les semaines. Il y en a d'autres que c'est reconductible au 1er mai. Il y en a d'autres que c'est reconductible dans 2 semaines. Puis, il y en a d'autres que c'est juste grève générale illimitée. Oui. Il y en a une qui précise qu'ils sont en GGI jusqu'au retrait de la hausse. Donc, ils pourraient être jusqu'en 2072 en grève, aujourd'hui. Oui. C'est philo, ça, je pense? Oui, c'est ça. C'est philosophique. C'est un peu particulier comme façon, non? Ben, en fait, je pense que ça met ça peut mettre plus de pression. Il y a beaucoup de. Il y a le cégep du Vieux-Montréal. Eux, c'est jusqu'à la gratuité scolaire, si je me trompe pas. Okay. Le cégep au complet, là. Le cégep au complet. Parce que les philosophies sont 60 membres comparé à d'autres. Mais moi, je pense que particulier ou pas, de toute façon, c'est une décision qui a été prise dans l'Assemblée générale. Ouais. Fait que c'est sûr qu'il y a une majorité qui voulait ça. Donc, c'est ça. Tant mieux. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Fait que, c'est ça. Bref, il y en a un peu partout qui ont des conditions de reconduction plus ou moins serrées, si on veut. Là, mais, tu sais, ça a été voté, puis c'est leur décision. Voilà. Pis, ceux qui sont, exemple, reconductibles au 1er mai, en date du 1er mai, est-ce que leur session va être allongée? Est-ce que... Mais c'est sûr que quand tu tombes en grève, tu sais que ta session va sûrement être perturbée dans une certaine mesure. Là. Mais est-ce qu'eux autres peuvent avoir des S pour comme mention, là, succès? C'est eux qui vont voir, en fait, avec leur département puis la direction de l'administration. Okay. Je peux pas. C'est propre à leur... C'est ça, c'est eux comment ils vont négocier avec les professeurs. C'est sûr que... T'sais, on est quand même avancé dans la session. Là. Il y a quand même plusieurs semaines de cours qui ont déjà eu lieu. Fait, les travails de session sont à remettre, les examens s'en viennent. C'est ça. Fait que, des fois, tu peux jouer avec ça aussi. Là. Okay. On n'est pas. Je pense que c'est à l'UQAM, ils sont rentrés en grève le 20 février. Eux, ça fait longtemps qu'ils sont en grève. Ils sont toujours. Les cégeps aussi, il y a plusieurs universités encore. On est encore 190 000 étudiants, un petit peu plus peut-être même que 190 000 étudiants en grève générale unité à travers le Québec. C'est à peu près la moitié des étudiants postsecondaires. Là. Fait que c'est quand même c'est important. Énorme, là. C'est énorme. Fait que c'est ça, fait qu'on est rendu à 1473 étudiants à l'UQTR en grève. Sur 9 000 quelque chose? Oui, c'est 9 700. Mm-hmm. Fait que quand même, là, ça prend la proportion. Fait qu'on voit que les étudiants... Ils s'en rajoutent toujours, là. C'est ça, il y a d'autres associations qui vont donner des assemblées générales là, au cours des prochains jours. OK. Aussi, fait qu'on va suivre ça. Puis, c'est sûr que, il y a la grève, mais pour ceux qui sont pas en grève et ceux qui sont en grève, il y a des manifestations aussi qui continuent à avoir lieu. Donc, aujourd'hui, okay. On s'en va à Sherbrooke. Il y a des autobus qui partent à 10h30. Ici? Oui. Ah ouais, pour vrai? Oui, okay. Oui. On a 3 autobus ce matin qui vont partir devant les cubes pour se rendre à Sherbrooke, qui est le comté de Jean Charest. Ben oui. Pour aller manifester. Fait que ceux Est-ce qu'il est là-bas, lui? Non, il n'est pas. Il est pas là, mais bref. Mais tu sais, on voit qu'il y a plusieurs manifestations en fait qui se déroulent tout le temps. En tout cas, on entend parler à tous les jours. C'est ça, tu sais, il y a à peu près 3-4 manifestations à travers le Québec par jour pour manifester contre la hausse des droits de scolarité. Puis il y en a d'autres qui s'en viennent aussi à Trois-Rivières là, qui vont avoir lieu. Fait que tenez-vous au courant. Ben, de toute façon, je vais vous tenir au courant. Bref. Si les gens veulent vraiment avoir les détails, ils peuvent aller à l'AGE ici. Ils peuvent aller à l'AGE ou sur le site web. On a un onglet maintenant, grève. Ah, qui est marqué toutes les actions à venir, les associations en grève, les associations qui vont voter, puis tout ça. Donc, page Facebook aussi. Oui. tout est interrelié. C'est en plein ça. Superbe. Toutes les informations sont là, fait que tenez-vous au courant. Cool. Puis, gênez pas pour venir nous voir parce qu'on sait que la grève, c'est quand même un gros dossier. Oui. Fait qu'on est là pour répondre à vos questions et vous aider. Puis, sinon, ben demain, venez manger de la tire d'érable. Ben oui. Oui, à 50 sous. Oui, oui. Merci, Anne-Julie. C'est merci tout. Beaucoup. Merci. J'espère que ça vous a pépé un peu. Là. Un peu, ben oui, pas mal. Même. Ils sont déjà sur un gros high de sucre. Là. Je suis content. Miam, miam, miam. Anne-Julie, la semaine prochaine, on se retrouve mercredi à 8h. Oui. Super. Bonne journée. À vous aussi. Ben oui. Alors, on écoute du Fred avec une nouvelle entrée du palmarès anglophone. C'est ce qu'on fait aujourd'hui hein, parce que le palmarès anglophone sort en début de semaine et puis c'est toujours super bon de se les entendre avant même que l'émission ait lieu. Donc, Fred, If Not Now, When, sur leur album Leaving My Empire. Ah, c'est fou. C'est vraiment excellent. Je l'ai écouté celle-là à l'avance. Hein? Le CD, hein? Pas mal bon. C'est Fred. Ça a l'air de rien, Fred, en effet. Ça a l'air absolument de rien, du tout. Mais c'est bon. spend the night. I'll wink and give her a smile. Hey, pointed shades, wind on my face. I light a cigarette. Engine is roaring and roads are steaming. Hearts are glowing, freedom is forever. Angels cannot fall and devils won't be good. We're just gonna drive, scars fly high. No direction, just like Thelma and Louise. Fears left behind, girls on a ride. No cage, just like Thelma and Louise. Music's playing loud, we're singing along. My best friend and I. Nothing is denied, the sky's our guide, and we cannot be confined, no. Engine is roaring, and ropes are steaming. C'était Thelma & Louise de Horror Pops à Assemblage Requis, François. C'était bon, hein? C'était bon? Oui. Bon. Hey, on vient avec graines de pivot, pas pavot, pivot. Et on lui demande pourquoi, à David Ferron, pourquoi ça s'appelle comme ça. Après, c'est là. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le plan de demain à Assemblage Requis. On découvre un fascinant phénomène de la musique en compagnie de Simon Fitzbé. On discute de politique avec François Landry et Logocratie 101 et on achète des objets inutiles dans Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Soyez-y demain dès 7h à Assemblage Requis sur site. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage, requis, en pièces. Détaché, Mathieu, Plante. François, Olivier, Marchand. Oui, François-Olivier, c'est lui. Oui. Mathieu Plante, c'est lui. Ouais, ça, à date, ça va bien. Ouais. Par contre, une voix que vous n'avez peut-être pas encore entendue à l'émission, c'est celle de David Ferron. Bon matin. Bon matin. Mais bon matin, ça va bien. Ça va très, très bien. Trop bien, presque. Ouh! On a du pep. What? Donc, David Ferron qui nous présente sa nouvelle chronique graines de pivot, et non pas pavot, comme on serait habitué d'entendre dans un bagel, mettons. Mais j'entends pas mon bagel, quoique quand je le mets dans l'oreille, j'entends la margarine qui m'attend. Miam, miam. Dans Marguerite t'appelle. Il m'appelle. Ouais. Mes bagels au pavot. Oh. J'ai une main. Oh, quand même. Ça va bien. Ça va très bien. Donc, graines de pivot. Pourquoi graines de pivot, David? Oui, pourquoi? Ben, d'abord, avant de l'expliquer, je tenais à vous remercier, les gars, de m'avoir accordé une place dans votre émission que j'admire et que j'écoute le plus possible. Oh oui. Mais pour expliquer Graines de Pivot, pourquoi? Parce que je me suis inspiré de Bernard Pivot, qui est un animateur français qui a souvent, qui a longtemps animé une émission de littérature et de culture française. Et Bouillon comme de culture, il a fait ça. Apostrophe aussi, oui. Qui est un jeu exact. Ben, en fait, une chronique littéraire aussi. Puis, il a animé aussi des dictées. C'est pour ça en hommage de Bernard Pivot. Et ma chronique va porter sur les pays francophones. Ah, OK. Bon. Oui, là, okay. C'est sûr que cette semaine, ça va être beaucoup plus général parce que j'ai parlé de l'Europe en général, mais je vais m'attarder un petit peu plus tard dans ma chronique à la France. D'accord. Okay. Parfait. Donc, allons-y. Oui, aujourd'hui, je vais vous parler d'un concours palpitant et très avant-gardiste qu'on appelle l'Eurovision. En fait, pas vraiment, là, mais... Pas vraiment avant-gardiste parce que c'est un petit peu dans le genre de la musique qui est là pour plaire, disons, aux masses. Là. C'est un petit peu qui éteint par moment, Eurovision. Mais il y a des enjeux derrière tout ça. Je te dirais par plusieurs moments, en effet. La plupart des moments, tu sais. Et en fait, c'est la plupart des grands moments qui écoutent ça. À côté de ça, Star Academy, c'est de l'innovation. Oui, oui, Julie Snyder était une grande... visionnaire, je pense qu'on pourrait dire. À côté, oui, en fait, qu'est-ce que c'est que l'Eurovision? L'Eurovision, c'est un concours qui a été initié en 1956 par l'Union européenne des radios-télévisions. Et là, en 1993, l'OITR, c'est-à-dire l'Organisation internationale de télédiffusion et de radiodiffusion, qui sont en fait les pays de l'Europe de l'Est, se sont fusionnés avec l'Union européenne de radio-télévision pour pouvoir organiser le concours qui peut accepter 56 pays en tout. Mais une seule personne ou groupe? Est-ce que c'est des groupes aussi ou seulement des artistes? Okay. Ça peut être des groupes. Ça peut être des groupes. Comme là, en 2006, il y a eu un groupe heavy metal qui a gagné. Quand même quelque chose, un heavy metal qui gagne un concours grand public comme ça, gens votent par quoi, téléphone? Oui, comment les gens votent, c'est très simple, c'est que le système de votation, c'est assez particulier parce que ça fonctionne par télévote, c'est-à-dire que les gens téléphonent. Et là, comment ça fonctionne, c'est particulier, c'est qu'il y a des blocs. C'est-à-dire que l'Europe, en fait, les pays ne peuvent pas voter pour eux. Par exemple, si toi, tu habites en France, tu ne peux pas dire... Appeler pour faire gagner la France. Parce que ce serait pas juste par rapport à la population qui est concentrée dans chaque pays. Oui, parce que tu as des pays comme le Luxembourg qui sont pas gros. Fait que c'est sûr que c'est injuste pour eux. Donc, les pays de l'Est vont voter pour eux. Les pays scandinaves vont voter. Par exemple, la Norvège va voter pour la Suède. Mettons, l'Ukraine va voter, par exemple, pour l'Azerbaïdjan, dont le pays a lieu cette année. OK. C'est là que la compétition a lieu cette année. Oui, exactement. Okay. Est-ce que je l'ai dit comme il faut? Parce que c'est un mot qui est difficile à dire. Arzirjibirjibisdichtan? Oui. C'est à peu près ça? Oui, l'adjer... ça va bien matin. Combien de lettres au Scrabble là-dedans? C'est payel. Oui, t'as un Z, t'as un J, t'as un Itrema. Non, Itrema, c'est pas dans le Scrabble. Hein? Non, mais je sais pas, ça dépend des pays. Il y a des pays où il y a même des doubles lettres sur leur tuile de Scrabble, mais ça, c'est un autre sujet pour une autre chronique. Donc, ça se passe dans un pays différent à chaque compétition, un des 56 pays, tu dis. Pas nécessairement, que c'est toujours dans le pays gagnant de l'année précédente. Par exemple, Israël gagne, ça va se faire en Israël. Okay. Comme l'Azerbaïdjan. Etc. Et je vais retrouver le nom, je suis désolé. Laser, on va l'appeler Laser. Oui, le pays Laser a été en fait le winner de l'année dernière, donc le pays a eu lieu là. Mais par contre, il y a un problème, ce pays-là cause beaucoup de remous. OK. Par rapport à la participation, deux exemples. D'abord, pour construire le stade où aura lieu le charmant concours, eh bien, il y a eu des familles qui ont été délocalisées pour faire place au stade. Ah, wow! Hey boy. Ouais, et aussi, il y a il y a l'Arménie qui ne veut pas participer parce que il y a des conflits, des tensions entre l'Arménie et le pays où va se tenir le concours cette année. Des affaires politiques. Oui, exactement. C'est pour ça que ce pays-là, c'est un petit peu tendu, mais ça va se tenir pareil parce que les pays adorent ça, sauf quelques pays qui trouvent ça vraiment quétaine. Là. Mm-hmm. Et là, fait particulier par rapport à l'Eurovision, d'abord, les pays comme l'Allemagne, la France, l'Espagne, Royaume-Uni, même s'ils sont pourris, même si leurs participants ne passent pas la présélection, parce qu'en fait, le nombre de pays peut varier en fonction du nombre d'années, mais une quarantaine qui passent les semi-finales, puis 25 ou 26 pays qui passent la finale. OK, OK. Et là, l'Allemagne, la France, l'Espagne, le Royaume-Uni et depuis 2 ans, l'Italie peuvent, et l'Azerbaïdjan, je l'ai eu. Azerbaïdjan? Sont, pour cette année, font partie de ce qu'on appelle le Big. Le Big, c'est un pays qui contribue beaucoup à la survie de l'Eurovision. Et donc, même s'ils sont pas bons, ils passent pareil. Ça, c'est bizarre un peu. Ils vont au final, quoi qu'il arrive. C'est une manière de remercier, mettons, la France qui se retrouve dans le bottom depuis une quinzaine d'années. OK. Est-ce qu'ils envoient des mauvais participants ou c'est... Ben, la question de la France. Et là, je m'en vais vers la France, youpi. Mais avant, je voulais parler de quelques faits de, des autres pays en Ukraine. OK, l'Ukraine. Qui est un pays où ce que la droite conservatrice catholique est au pouvoir. À côté de ça, là, le Parti conservateur du Canada, c'est le porte-étendard de Québec solidaire. OK, oui. Eh hey boy. Donc, vous voyez, eux, le pays au pouvoir, ben, le Parti au pouvoir a dit « Notre participante, elle est noire, on est offusqué. » Ah, oh, ouais? Oui. Ah, ouais. Oui, c'est très raciste. Il y a eu du monde qui ont dit non, on veut pas qu'elle passe. On... Mais moi, l'Ukraine, la participante, pas de problème qu'à son nom. Le problème, c'est que sa toune est tellement mauvaise. Pour ça, j'ai dit. Au moins, il y a de bonnes excuses. Oui, c'est une mauvaise toune. C'est juste pour ça. Mais ouais. C'est parce que c'est de l'Eurodance 90. Là. Ah, ouais, pas pour tout le monde, ça. En fait, puis il y a même, parlant d'Eurodance, il y a même un groupe de 6 personnes, en fait, un groupe de 6 chanteuses âgées de 70 ans et plus de la Russie qui font de l'espèce de polka dance. Ah ouais. C'est... Wow! Oui. C'est, ils ont fait des auditions, puis tout ce qu'ils ont trouvé à mettre dans le concours, c'est ça. Ben, ils ont trouvé ça charmant, là. Ouais, c'est, j'imagine, très charmant. Ben oui. Sûrement. Moi, je cours sur le YouTube tout de suite. Là. Me semble que tu bâcherais pas sur 6 personnes âgées qui non, chantent avec pas. Tout leur cœur. Exact. Ça serait comme mal vu et méchant. Ben oui. Puis ils sont sympathiques. Ils sont sympathiques. Ils ont du caractère. Hein, la personnalité. Oui. Bon. Ça, c'est sûr. Puis il y a aussi Saint-Marin. Saint-Marin, c'est quoi? C'est un espèce de petit territoire qui est dans l'Italie, qui est vraiment indépendante. Et la chanteuse a failli de pas avoir sa place à cause de sa toune qui s'appelle Facebook EO, parce que dans les critères, tu dois pas trop plugger trop... Des marques de produits ou... Ouais. Et Facebook étant une marque jugée commerciale par le comité, elle a dû s'appeler Network, Social ah. Network EO. Ouais. Mais la toune est aussi mauvaise. OK. Ça. Ça ne l'améliore pas, du moins. Non, vraiment pas. Mm-hmm. Le clip aussi, allez voir ça. Si vous avez l'occasion, je sais pas, y a-t-il moyen d'envoyer ça? On va mettre ça sur la page Facebook d'Assemblage Requis, tiens. Si tu me l'envoies, je le mets. Et grâce merci. À nous, la cote d'un... En fait, des compagnies qui s'occupent de régler nos maux de tête vont augmenter. Oui, c'est ça, les matin. Profits... c'est sûr, eux, ils rentrent en bus, c'est pas déjà fait, là, c'est automatique. Et en fait, pour revenir à la France, cette oui. année, la France... Et oui, pour revenir à ta question, François, pourquoi la France ne gagne pas? Mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est une question de bloc. Comme là, la France vote souvent pour des pays francophones, mais dans ces pays-là, il n'y a pas gros de monde. Ben mettons, il y a la Belgique, mais même la Belgique, c'est un petit peu divisé. Donc là, il reste le Luxembourg, le Monaco... quelques autres pays, mais c'est pas eux qui vont vraiment voter le plus parce qu'en France, il y a plusieurs noms, c'est mal formé. Il y en a qui appellent ça l'anglo-vision au lieu de l'eurovision. Okay. Parce que souvent, les pays vont adopter la langue anglaise pour pouvoir avoir des points. Ouais. Et pas de citer de controverses par rapport à la langue locale. Mm-hmm. Créer des conflits, ça, on veut pas. Ouais. Aussi, il y en a qui appellent ça l'euro-bidon. Parce que les Français... J'appellerais ça comme ça, moi aussi. Ouais, c'est cool, j'aime ça. Oh oui, c'est très bidon, puis je l'assume amplement. Ouais, ouais. Mais c'est qu'en fait, les Français font comme... Pourquoi on fait ça encore? Ça sert à quoi? On peut pas genre changer de concours, faire d'autres choses ou n'importe quoi. C'est... Oui, de faire de quoi encore plus quétaine, par ouais. exemple, ou mettre René Lataupe comme porte-parole. René Lataupe, qui est un castor qui gagne des numéros 1 dans les hit-parades de France. OK. Un castor qui chante ou c'est un imitateur de castor ou un gars qui chante comme un castor? C'est quoi? Ah, toutes ces réponses. Toutes ces réponses. Oui. Tu m'avais parlé d'une controverse par rapport à tout ça. Ben, en fait, moi, je trouvais ça controversé un petit peu. Oui. Mais des chanteuses de différents pays qui vont aller dans d'autres pays pour participer. Par exemple, Céline Dion, j'entendais oui. dire qu'elle avait gagné. Pourquoi la Suisse? Ben, en fait, c'est une très bonne question. C'est juste que l'historique, c'est une très bonne question, mais il y a des fois... Il y a des gens où ce que en France, tu dis non, ça marche pas. On a déjà trouvé la personne en tant que telle. On a trouvé une personne qui est plus appropriée. Puis des fois, ça va dépendre aussi que tu dis ah ben ça va être plus stratégique d'aller dans tel pays pour avoir des votes. T'as plus de chances de remporter avec ça. Exact. D'ailleurs, Céline Dion avait remporté, si je me rappelle bien. Oui, la première position, quelque chose comme ça. Ouais. Hein? Eh ben. Eh oui, bravo Céline. Eh hey, oui, hey, notre belle Céline. Oh. Ok. Oui. Mais la France, pour revenir au cas de la France, pourquoi ouais. depuis 15 ans elle ne gagne pas de 1? Les télévotes qui ont été restaurés en 1997. Et ça, et en 93, il y a également les pays de l'Est qui se sont rejoints. Il y a les pays aussi du Maghreb qui se sont rejoints au cours des autres années. Ce qui fait en sorte qu'à cause de ça, la France gagne très peu de points. Donc, la dernière fois qu'elle a eu le numéro 5 ou numéro 4, ça a été vers 2004-2005. Mais entre 1997 et 2011, la France est arrivée en avant-dernière position 4 fois. Alors qu'elle avait gagné le concours 5 fois entre 1958 et 1971. Donc, pourquoi? Parce que habituellement, qu'est-ce qui gagne, c'est quoi? C'est une jolie personne, gars ou femme, avec des danseurs, danseuses, avec une toune, pis son ouais, genre de dance floor. Puis chante « I wanna to be loved, I wanna to be loved ». Vous voyez le genre? Ouais, ouais. Tandis que la France, elle, essaie de diversifier. Par exemple, en 2007, ils ont essayé d'envoyer les Fatal Picard. Fatal Picard, je sais pas si vous connaissez le groupe. Ouais, oui, c'est bon. Ça a même été sur le palmarès aussi. Ouais, c'est ça, on a déjà fait jouer. Oui, ça, c'est comme demander à Jean Leloup de faire un concert live au Résidence Soleil. Demander à Fatal Picard de faire l'Eurovision. Ça fit pas dans le décor, ben. Ben, ils sont tombés, justement, en 22e position sur 25. Ouais, OK. Ouais. Là, ils se sont essayés avec Patricia Cass, parce que Patricia Cass est une star en Russie, et le concours se tenait en Russie dans ce temps-là. Mm-hmm. Et elle est arrivée 8e, ce qui est quand même pas mal, mais respectable. On en entendait plus. On voulait vraiment qu'elle aille topper l'Eurovision, mais 8e, c'est potable. Ouais. Là, on a essayé avec l'Opéra, ça n'a pas marché. Le chanteur de France est arrivé 15e. On pensait qu'elle allait gagner ou être dans le top 5. Non, ça n'a pas marché. On a même essayé de mettre de la musique tropicale dance. OK. Ça non plus, ça n'a pas marché. C'est des drôles d'idées, on dirait. Oui, ça marche pas. C'est pas des valeurs sûres, genre. Ben, c'est ça. C'est comme trop essayé pour être vraiment à part. Puis il me semble que ça... Je sais pas, c'est bizarre. Puis on a même essayé de l'électro-cochon. On a tout essayé. De l'électro-cochon. Oui, avec Sébastien Tellier. Ah, oui. Oui, ils ont essayé tout. Puis ça marche pas, c'est juste que ça ne répond pas aux critères. Puis aussi avec le système de vote, ça fonctionne pas. Ouais. Mais là, cette année, il l'essaye avec Angun. Je sais pas si vous connaissez Angun. Angun? Oui. Non, on connaît pas. Non, moi, ça me dirait. Ben, ça joue des fois à certaines radios plus grand public, si je peux dire ça. Okay. Il a fait un gros hit dans les fins des années 90. En France, c'est correct. Elle a un succès correct, mais elle pogne. En fait, elle a beaucoup de succès dans les pays d'Asie parce qu'en fait, Angun est indonésienne, mais française depuis 10 ans. Okay. Et eux, ils se sont dit, toi, t'es belle, tu chantes bien, puis t'as des beaux danseurs à côté de toi, on essaye. Donc là, elle a fait cette année une chanson bilingue, donc une chanson français-anglais pour essayer d'avoir le plus de votes. Puis elle est très réaliste, elle sait qu'elle va pas gagner, mais elle dit, on va mettre le paquet pareil. Puis si on gagne pas, c'est pas grave. Je sais que les Français trouvent ça vraiment quétaine, parce qu'en fait, il y a plusieurs commentaires, petites parenthèses comme ça, de Français qui disent, avec 2-3 pichets, là, l'Eurovision, c'est super bon. Avec 2-3 pichets. Oui. Sous, là, ça va être d'allure. Au moins, parce que c'est en France, ça n'a pas une très bonne réputation, disons. Puis il y a même des Français qui disent, j'espère qu'on ne gagnera pas parce qu'on est en crise économique puis ça coûte cher, l'Eurovision. Ah, OK, participer à ça. Oui, ça coûte cher. Faut que tu investisses les infrastructures, faut que tu fasses de la promotion parce que c'est quand même diffusé. Ah, ça veut dire que s'ils gagnent, c'est eux qui vont devoir les accueillir l'année suivante et là devoir construire une grande place pour accueillir ça. Oui, comme... Oui, donc comme l'Azerbaïdjan, ben vu qu'eux, ils ont gagné l'année dernière, ben c'est eux qui sont le pays hôte cette année. OK, bon. C'est à cause de ça. Et là, Angun a sorti une toune qui s'appelle Echo You and I, qui est... Le clip est bizarre, on voit un cochon se promener. Pas un électro-cochon ce coup-là, juste un cochon normal. Non, ben la toune est assez bizarre. Il y a même un petit peu de sheep tune au début de la toune. Non, hey, ce n'est pas pour déplaire à François-Olivier Marchand, on n'entendra pas ça matin, c'est dommage. Et puis en plus, j'ai essayé ce matin de trouver un cover de sheep tune de Mireille Mathieu, mais j'ai pas trouvé. Mireille Mathieu, running gag assez fou. Mireille Mathieu, on a hâte de faire jouer ça à un moment donné, éventuellement. Mais on s'en empêche parce qu'on est... On n'a pas le droit. Non, je te mets au défi par contre de trouver du chiptune francophone. Je te l'ai déjà dit, il faut que tu me trouves du chiptune francophone. Chiptune étant musique de jeux vidéo pour ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas au courant de la chose. J'en fais jouer tous les matins à l'Assemblage Hockey. François, les oreilles lui frisent. Ah oui, je croyais qu'il adorait ça. Ouais, ben, c'est sarcasme. Je pense qu'il dit qu'il n'aime pas ça, mais il se cache. Ah oui, j'écoute ça dans mon auto. C'est ça. Ah ben, c'est bien. Avec les oreilles bouchées ou. Non, oh, avec les oreilles très bouchées. Ah ben, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Donc, on souhaite bonne chance à Angun, mais. Les Français sont pessimistes. Ah oui? OK. Même avec un choix comme ça qui est plus, c'est plus populaire, mettons, belle-fille, musique avec un groupe, comme tu dis en arrière, ils pensent qu'ils n'ont pas de chance quand même. Puis ils ont peur que le cochon soit sur la scène aussi. Ah oui, sûrement. Non, c'est pas vrai. Mais non, parce que les Français ont perdu toute confiance envers ce pays-là. Il y a quand même 200 millions de personnes qui regardent ça. Mm-hmm. Est-ce que je pense qu'ils vont finir par abandonner éventuellement? Je ne sais pas. L'Italie, ils ont déjà abandonné. Mais ils sont revenus plus tard, parce qu'ils sont dans le bloc, le, comment t'appelles ça, des pays qui... Qui financent beaucoup, donc dans le Big... cette année, ils sont dans le Big Six. Big Six. Oui, parce que le chiffre peut changer... Ben, en fait, il y a 4 pays noyaux, donc l'Allemagne, la France, l'Espagne, le Royaume-Uni, qui envoie, d'ailleurs, le Royaume-Uni qui envoie un crooner de 70 ans compétitionner. C'est comme considéré comme le Elvis Presley de l'Angleterre. OK, ou le Normand Lamour aussi, je pense, non? Pas à ce point-là, peut-être, mettons le Patrick Normand. Ah oui, OK, quand même. Ouais, dans le genre, avec un beau bandana, là, c'est facile. Ah oh, oui, ça va être cute. C'est pas bon. Voilà. Oui. Donc, bonne chance à lui aussi. Oui, lui aussi, à tous les compétiteurs. Mais c'est sûr que pour Handgun, en plus, vu que c'est une personne qui vient de l'Indonésie, donc d'un pays qui n'est pas français, en plus, présentement, on est en campagne électorale en France. Oui, c'est vrai, les présidentielles. Ah oui. Et une des grosses questions, c'est la question de l'immigration. Il y a même le père Nicolas Sarkozy, l'UMP, qui, lui, a pris le sujet du Front National pour essayer d'avoir des votes et gruger des votes à Marine Le Pen, qui, elle, en fait vraiment une question pivot, justement. Oh! Et on vient de faire le retour vers le pivot du début. Je pensais pas que Marine Le Pen allait avoir une utilité dans ma vie. Enfin, elle sert à quelque chose pour toi. Oui. Ah, Seigneur. Mais c'est ça. Donc, Handgun, est-ce que grâce à ce fait-là, le fait qu'elle soit indonésienne d'origine et qu'elle soit naturalisée française, est-ce que ça va être un débat qui va créer une espèce de buzz autour de sa candidature? À date, non. OK. Parce qu'il n'y a pas grand-chose dans les journaux français qui parlent de ça, qui font le lien entre la campagne présidentielle et Handgun. Ça prenait toi pour le faire, ici, en tout cas. Oui, je provoque un scandale et des débats assez fous. Partout où tu passes, hein? Oui, je suis tellement éminent politiquement que c'est voilà. Impossible. Là, de... Tu te fais entendre deux pièces de Fatal Picard qui ont participé à l'Eurovision. C'était quand est-ce que tu te rappelles quand est-ce qu'ils ont participé? C'est en 2007. Ils 2007. Ont participé. Ils ont une chanson franglais qui s'appelle « L'amour à la française » qui en fait, une chanson d'autodérision pour un petit peu des Français, mais malheureusement, ils ont terminé 22e. Ouais. Et l'autre, ça s'appelle L'histoire d'une meuf. Je crois que ça a été un succès sur les ondes de C'est fou. Oui, et sûrement que ça s'est rendu au numéro 1 des palmarès à l'époque où l'album est sorti, mais je m'avance, mais je suis pas mal sûr que ça a été numéro 1. Eh, c'est bon, est-ce que je peux expliquer un petit peu le contexte de la chanson? S'il te plaît. Oui, vas-y. Oui, en fait, L'histoire d'une meuf, c'est quoi? C'est que les Fatal Picard dénoncent un téléthon qui s'appelle le téléthon des enfoirés. C'est quoi le téléthon des enfoirés? C'est très simple. C'est un téléthon qui a lieu à tous les années et qui rassemble tous les has-beens possibles et impossibles de la France. Donc, quand... Tu veux redémarrer ta carrière, mettons... Voilà. Oui, exemple, voilà. Garou est là toutes les années. Ah! Natacha Saint-Pierre participe... Lui, Garou a besoin de la restarter à toutes les années. Est-ce qu'il est capable? C'est ça. Donc, Notre-Dame de Paris, presque tout le monde là-dedans se retrouve là-dedans. Il y a même des stars de la télévision, des sportifs aussi qui sont là-dedans. Ça rassemble tout le monde pour... Des enfoirés, c'est pas le vrai nom du Téléthon. Oui. Oui, pour vrai. Oui, pour vrai, parce qu'en fait, ça vient de Coluche. Coluche, qui est un humoriste français, qui a parti l'organisme Les Restos du Cœur pour avancer de l'argent pour les sans-abri, pour pouvoir les nourrir, pour pouvoir un petit peu les aider. Mm-hmm. Et là, il a fait un Téléthon qui s'appelle Les Enfoirés. Et depuis chaque année, depuis à peu près une vingtaine d'années, 25 ans, Les Enfoirés ont lieu à tous les années et l'album qui sort est un gros hit. Donc, il y a de l'intérêt là-dedans. Mmh. Et ce que Fatal Picard dénonce, c'est vraiment le côté opportuniste de certains participants qui chantent pour la bonne cause. Mmh. Et donc là, Garou passe un mauvais quart d'heure, Lara Fabian passe un mauvais quart d'heure dans cette chanson-là. Donc, si vous aimez ces personnes-là, bouchez vos oreilles ou... Prenez ça à la légère. C'est ça, deuxième degré ou quelque chose du genre, je sais pas. Même troisième, quatrième. Ouais, allez-y, c'est degré en masse. Donc, c'est la pièce qui va terminer le bloc, mais on débute avec L'amour à la française des Fatal Picard et on écoute ça. Merci beaucoup, David Ferron. Ben, ça m'a fait plaisir, les gars, d'être dans votre émission aujourd'hui. Et voilà, à la semaine prochaine pour une autre chronique Graines de Pivot. Exactement. I remember jolie demoiselle, sur la summer nous la tour Eiffel. I remember comme tout était belle, so beautiful with your sac Chanel sur le pont de la Seine. Let's do it again, again, again, again. You gave me a rendez-vous, what is it, what is it? Je le cherchais à toi, dans les rues. Je ne suis pas venu car tu ne l'es plus. Je le regarde partout, where are you? My heart is bleeding, oh I miss you. L'amour à la française, let's do it again, again, again, again. You give me a rendez-vous. Et je cours, je cours, je cours à flos. L'amour, l'amour, l'amour. Je suis perdu. Here we, that you and I'm crazy. Cela, Paris, je tout le manque. Sans toi, I can't live sous la pluie. I feel so rich, Champs-Élysées. Alone, la nuit, le moulin rouge. Les Fatal Picard avec C'est l'histoire d'une meuf, et avant ça on a entendu L'amour à la française, deux pièces des Fatal Picard qui participaient donc à l'Eurovision dont on parlait avec David Ferron dans sa chronique Graines de pivot. Et évidemment on retrouve David tous les mercredis à 8h30 ici même à l'Assemblage requis. François, on a le temps d'entendre les Breastfeeders si t'as envie. Oui, ben oui, tout à fait. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu, voici Poupée à dormir debout, et après ça on revient pour se dire au revoir. Sur ces coups. We'll be right back. Un autre hit, que des hits des Breastfeeders sur cet album-là, dans la gueule des jours, on vient d'entendre Poupée à dormir debout, et c'est là-dessus que se termine l'assemblage requis. Oui, tout à fait, déjà. Écoute, on se retrouve demain matin à partir de 7h. Pourquoi pas? Ben oui. Ben oui. C'est comme ça. J'oubliais de dire, vas-y, aujourd'hui même, là, si on parle en direct là aujourd'hui, mercredi, 400e assemblage requis. 4-0-0. Donc demain, 401e. Oh. Ça change absolument rien, mais c'est le fun. Je veux dire, une fois par 100 émissions, c'est pas si pire. Donc demain, à l'émission, qu'est-ce qu'on a à 8h? On a Simon Fitbig, sa chronique phénomène. Oui, c'est ça exactement, qui nous parle en fait d'un artiste, souvent. Et ou groupe, ou des fois personnalité. Ouais. Il fait un peu son historique. Mais dans le domaine de la musique. Ouais, c'est ça exactement, toujours en lien. Ensuite, à 8h30, on a François Landry, sa chronique politique Logocratie 101. Oui, j'ai hâte de savoir de quoi il va nous parler. Il parle de politique. Je sais pas, peut-être revenir sur le budget peut-être fédéral. Je sais pas, écoute, c'est des hypothèses que j'avance. Un petit peu de bashing. Ça se toujours. On remercie Jasmine Raymond-Dréville pour sa chronique Les Comptines de Jasmine, la chronique de l'AGUQT avec Angèle Durocher. On remercie David Ferron pour ses graines de pivot. Et on se retrouve demain matin à 7h. Restez sur nos ondes pour le dîner de con à 11h. Je crois qu'avant ça, ça devrait être SPM de gars, mais ça, on sait jamais vraiment trop. Et puis à 13h, Catalepsie, La Spirale, 6 degrés. Et puis on se quitte avec Blink-182. Oh, et la pièce I Miss You? Je m'ennuie, Mathieu. Déjà? On se retrouve demain, François. Oh. Sèche tes pleurs, ma soeur. Sèche tes pleurs, ma soeur. Allez, bonne journée. Bye-bye. Tonight, stop this pain tonight. Don't waste your time on me. You're